quatre intervenants. Deux exposés ce matin, vous avez eu deux exposés fondamentaux, puis vous avez des exposés sur la procédure qui sont vraiment passionnants. J'ai personnellement beaucoup de questions à poser, mais ce qui m'intéresse, c'est les vôtres. Je voudrais quand même vous dire quelque chose d'abord. C'est que tout ce que nous discutons ici est étroitement lié à la connaissance scientifique et au progrès fait dans ce domaine particulier. J'ai participé à un colloque avec Jean Jouzel au Sénat il n'y a pas longtemps, il m'a confirmé que dans les années 2020-2023, on aurait des observations par satellite sur les émissions de gaz à effet de serre, la possibilité de rendre public un certain nombre d'informations pays par pays. Croyez-moi, c'est quelque chose qui peut changer énormément la donne, et parce que nous sommes devant, avant toute chose, comme en matière d'environnement, devant des questions de preuve, à proprement parler. Et c'est ça la difficulté la plus grande. Définir le champ du droit, c'est pratiquement démarrer par la preuve. Je crois qu'il y a différentes questions. Yann, sans doute, tu veux peut-être venir au micro, mais enfin, ça veut dire... Je vais réagir à la dernière des communications. Parce que j'ai beaucoup de points de désaccord avec vous. Je m'en doute. À plusieurs égards, hein, s'agissant tout spécifiquement de la responsabilité de l'État devant des juridictions internationales. Alors d'abord, j'ai bien compris votre différence entre une juridiction internationale et une juridiction régionale. Parce que la CEDH, la Cour interaméricaine, est pour moi une juridiction internationale. Oui, mais je les mettais dans le même. Donc j'imagine que vous vouliez visiter effectivement la Cour de justice de l'IBM. Et là, il faut faire une distinction entre l'engagement de la responsabilité et l'engagement de l'action. En fait. La responsabilité de l'État, elle est engagée dès lors qu'il a commis une violation du droit international. Peu importe qu'il y ait une action en responsabilité. Sa responsabilité est engagée. Après, la difficulté sera de lui faire entendre raison et de le pousser à admettre qu'il a commis une violation du droit international, mais le droit international ne connaît pas que l'action judiciaire ou juridictionnelle, mais aussi d'autres moyens, comme celle des contre-mesures, un État qui prend une contre-mesure à répondre à un État qui a violé, à son avis, le droit international. C'est le premier point d'ordre. La seconde, s'agissant de la compétence des juridictions de type Cour de justice ou TIDR. Sans doute faut-il une compétence de la juridiction et faut-il que les États aient compréhension de la juridiction de ces juridictions, ces tribunaux, mais à la Cour internationale de justice, il y en avait une cinquantaine qui l'ont fait sur le fondement de sur la base d'une base unilatérale. Les États ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour, peu importe qu'en Suisse, il n'ait pas consenti à la juridiction de la Cour spécifiquement pour les questions climatiques. Donc il y a de quoi engager une action contre beaucoup d'États, Japon, l'Inde, il y a un bon nombre d'États, et c'est la même chose devant le PIDM, puisque là, le PIDM, lui, est compétent, et par défaut, c'est un peu plus compliqué, tous les États partis à la Convention d'Antigone ont accepté la compétence d'une juridiction internationale. Donc la question de la compétence, elle se pose sans doute devant la CIJ pour la France, pour les États-Unis ou pour certains États, mais elle ne se pose pas pour beaucoup d'autres États. Donc, pour relativiser cet argument-là. Alors, quelle règle de droit international un État aurait-il violé ? Sans doute pas le fait de ne pas avoir respecté ses engagements unilatéraux de réduction, mais en tout cas, aujourd'hui, il est bien clair que le droit international consacre l'obligation de due diligence, que la Cour considère comme une mesure de prévention. Et dans ce contexte-là, les mesures nécessaires pour empêcher que les dommages soient causés à l'environnement d'autres États ou à l'environnement de zones internationales, dommages sensibles, graves, importants, je vais vous montrer, il y a des dommages qui sont importants, dommages prévisibles, alors sans doute pourra-t-on dire que le dommage n'est pas totalement prévisible, mais les études scientifiques sont telles aujourd'hui qu'on peut considérer qu'il y a un lien évident facile à démontrer entre la désertification des eaux et les émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation du niveau des mers et les émissions de gaz à effet de serre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que le droit international peut être mobilisé de telle manière que prouver que la responsabilité de certains états qui n'agissent pas à la hauteur de ce qu'ils doivent faire est engagé. Et il y a des moyens contentieux qui peuvent agir, qui ne passent pas dans tous les États, mais dans une bonne partie des États, devant les révolutions internationales. Voilà. Oui, une dernière remarque qui concerne l'application extraterritoriale de l'instrument droit de l'homme. Ça dépend des cas. L'affaire que vous mentionnez, qui est en cours devant la Commission internationale des droits de l'homme, ne pose pas ces difficultés-là. Il s'agit d'un peuple sur le territoire du Canada qui a engagé une action contre le Canada et on peut penser à bien d'autres situations comme celle-ci. Et que ce n'est pas un obstacle vraiment déterminant dans la société. Voilà. Merci. Merci de cet apport contradictoire. On va prendre d'autres questions parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Madame. Pour en revenir à la question de la coutume qui avait été soulevée ce matin, je me demandais ce que vous faites du principe 21 de la déclaration de Stockholm, que l'on a mentionné aussi ce matin, mais ne serait-ce pas un moyen d'engager la responsabilité l'avenir par rapport à des décisions prises aujourd'hui par certains États comme les États-Unis qui demandent de réactiver le charbon pour ouvrir le passage de la responsabilité pour dommages transfrontières au-delà de la juridiction. Bon, j'ai un choix très délicat à faire. Soit je laisse faire des réponses, mais je trouve que c'est plus intelligent de vous laisser vous exprimer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. C'est extrêmement important d'avoir des questions et des apports extérieurs. On ne va pas forcément répondre. Je vais essayer de prendre le plus de questions possible. Soyez concis, si c'est possible. Et rien ne vous empêche, individuellement, de demander des réponses aux orateurs. Donc, je préfère le contradictoire et je vous écoute, madame. Merci. Mélisse Desrousseau, moi j'ai une question plus pour Aline Treya. Oui. Vous êtes attachée à démontrer la complémentarité entre protection du climat et protection de la biodiversité. Mais vous avez aussi dit que la nature ordinaire était constituée d'éléments abondants et communs. Et là, moi, je pense au problème des espèces qui vont être plutôt généralistes, alors qu'ils vont avoir une grande capacité de stockage de carbone, par exemple, qui vont être bonnes pour le climat, mais qui ont un faible apport en termes de biodiversité. Alors, quel est le rôle d'arbitrage du droit dans ces effets antagonistes ? Voilà. Donc, il y aura des réponses directes, individuelles. Madame, vous avez demandé la parole. Si je préfère les questions qu'aux réponses. Merci. C'est une question que j'adresse à Christelle, pour lui. Une réflexion plutôt que j'ai eue en écoutant votre intervention très intéressante, sur l'idée poser la question de l'approche éthique des changements climatiques. Et en fait, je me demandais, cette approche éthique, qui est tout à fait légitime, est-ce qu'il ne risquerait pas quelque peu de neutraliser le discours, d'aseptiser un peu le discours par rapport aux paramètres politiques des changements climatiques. Toutes ces références à l'éthique qui sont assez, finalement, assez vagues, éthérées, moralisatrices, alors que les origines du problème ou des problèmes et les actions aussi sont politiques. Enfin, les origines et les actions menées, les choix politiques, les actions politiques. Et finalement, la réponse, à mon sens, ne peut être que politique. Très bien. Sandrine Valjean-Dubois, encore une question. Oui, merci, c'est pour Sabine. Dans le prolongement de l'intervention de Yann. Ça ne m'étonne pas. La question de Delphine aussi. Je me demandais si justement par rapport à cette obligation de diligence qui est formalisée dans le principe 21, quel était votre point de vue sur la question suivante, c'est est-ce qu'il faut vraiment un dommage, parce que est-ce que c'est une obligation de prévenir le dommage, ou est-ce que c'est une obligation de résultat, parce que c'est une obligation de comportement, la diligence c'est plutôt une obligation de prendre les mesures nécessaires. Si c'est le cas, si on l'interprète comme ça, ben, ça peut être pas mal de ne plus avoir à établir le dommage, le compensation. Mais juste que l'État n'a pas pris les mesures qui vont Oui, je remercie Sandrine Major-Dubois de m'avoir posé le problème du contentieux objectif. C'est du contentieux de droit public. C'est de l'abstention d'agir à proprement parler. Il y avait encore une question. Madame. J'entends pas très bien, excusez-moi. C'est de ma faute. J'ai la mission d'arrêter, mais je voudrais quand même répondre assez globalement aux différentes questions. Sur des choses aussi, vous avez posé des questions extraordinaires qui n'ont pas été développées. Qu'est-ce que vous pouvez faire en France, par exemple, sur du contentieux climatique, alors que l'article L229.1 du Code de l'environnement vous dit que le réchauffement climatique, la lutte contre, est une priorité nationale. Vous avez ce problème-là. Donc vous avez des problèmes législatifs qui bloquent, mais par contre, ce qui est plein d'espoir, et ce qui a été dit à plusieurs reprises, et qui n'a pas été exploité, c'est l'extension extraordinaire du droit constitutionnel dans le monde entier. Savez-vous qu'il y a 143 États sur 195 qui ont du droit constitutionnel à l'environnement? Alors la difficulté, vous en discuterez cet après-midi, c'est de repenser peut-être le contentieux climatique à travers des droits constitutionnels à l'environnement et faire le lien entre les dégâts du réchauffement climatique sur la nature dont vous avez parlé, effectivement, pour faire valoir ces droits dans des conditions non pas subjectives, dommage à intérêt, ça n'a aucun intérêt, mais dans des conditions, effectivement, de changement de normes. Parce que ce qu'il nous faut, c'est, comme on dit en droit public, un changement de circonstances qui crée un changement de droit. Et c'est ce mouvement-là que toutes les associations, que les États, etc., doivent faire apparaître. Je suis désolé, j'ai pris la parole à la place des autres, ils vont m'en vouloir. J'espère avoir été l'interprète. Je vous remercie de votre attention.